j'ai plein le dos de me lever tôt, de mon boulot et de vos impôts, de ces talk shows avec Foucault, des écolos et des travelots. Moi j'en ai marre des têtes de lard qui pour m'avoir posent des radars, des salopards qui vendent le soir de l'herbe noire pour vos cafards. Qu'on arrête le monde, je veux changer de vie. Qu'on arrête le monde, je veux descendre ici. Qu'on arrête le monde, je veux changer de vie. Qu'on arrête le monde, je veux descendre ici. Je n'aime pas les avocats, le cervelas et les corridas, boire du coca, prier Bouddha, marcher au pas comme les soldats. Je suis lassé des députés, d'aller prier et de voter, du canapé d'Henri Chapier, d'être le premier ou le dernier. Qu'on arrête le monde, j'attrape le tournis. Qu'on arrête le monde, je veux descendre ici. Qu'on arrête le monde, je veux changer de vie. Qu'on arrête le monde, je veux descendre ici. Je n'en peux plus d'être à l'affût d'un trou du fût ou d'un cornu, de la vertu des bords de rue, d'avoir perdu toutes mes verrues. Je suis aigri par les chippies et par les cris des tifosi, par toi aussi qui m'interdis de vivre une nuit au fond de ton lit. Qu'on arrête le monde, maintenant ça suffit. Qu'on arrête le monde, je veux descendre ici. Qu'on arrête le monde, je veux changer de vie. Qu'on arrête le monde, je veux descendre ici. Descendre ici. Descendre ici.